Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Nous allons aborder un point qui vous touche peut-être alors que vous êtes en train de préparer le souper et qu'un membre de votre famille souffre d'une allergie alimentaire. Et parfois, ça peut être un casse-tête. Alors, pour faire le point sur les allergènes alimentaires, nous avons invité Virginie Barrère, qui est professionnelle de recherche à l'INAF. Bonjour, Virginie. Bonjour. Virginie, pour commencer, pour bien mettre à la table, est-ce qu'on peut définir tout d'abord ce qu'est un allergène? Alors, là, habituellement, la majorité du temps, les allergènes, c'est des protéines, donc des macromolécules. Protéines? Oui, juste des protéines. Il y a d'autres cas aussi, mais principalement des protéines. Les protéines, c'est des macromolécules qui sont essentielles dans le règne animal et le règne végétal. Tout à fait, oui. Et comment se manifestent les réactions physiologiques qui déclenchent? En fait, quels sont les symptômes que l'on peut observer de façon générale? Donc, c'est des symptômes d'allergie classique, des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs aussi, des problèmes au niveau de la peau, donc des urticaires, des irruptions cutanées, c'est ça. Donc ça va être les cas les plus fréquents et les moins graves. Cependant, ça arrive que selon la dose et selon la personne, il peut y avoir un choc anaphylactique. Donc, dans le fond, c'est... Qu'est-ce que c'est, ça? Le corps s'emballe. La réaction immunitaire est trop violente. Donc, on a une exacerbation de justement tout ce que je viens de vous citer, l'urticaire, les problèmes respiratoires et les problèmes circulaires. Tout se manifeste. Tout ça ensemble. Et ça fait un arrêt cardiaque, un œdème pulmonaire. Ouais. Ça peut être aussi un coma. Ça peut entraîner la mort de la personne. D'accord. Ça donc... peut arriver assez rapidement après avoir mangé l'aliment, quelques heures après. Ah bon, OK. Ouais. Et est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont touchées par les allergies alimentaires? Puis, est-ce que c'est en augmentation, ça? Donc, on a des données assez récentes, des données du Canada. J'ai pas donné de Québec, mais j'ai donné du Canada. Uh-huh. Donc, il y aurait 6,9% des enfants, donc de 0 à 17 ans, qui auraient au moins une allergie. Donc, c'est à peu près 500 000 enfants au Canada. Et pour les adultes, donc 18 ans et plus, c'est 7,7% de la population, donc plus de 2 millions de personnes. Et l'allergie la plus courante chez les enfants, donc 2,4%, c'est l'allergie aux arachides. L'allergie aux arachides. C'est ça. Et maintenant, pour votre question par rapport à l'augmentation, donc oui, c'est en augmentation pour plusieurs raisons. Okay, oui. La plus évidente, la moins dangereuse pour un scientifique pour s'avancer, c'est qu'on est on diagnostique beaucoup plus les allergies alimentaires. On a des meilleurs outils pour les diagnostiquer. Okay. Donc on les diagnostique plus. On est plus sensible finalement aux symptômes, c'est ça? Et on est aussi plus... Ça, c'est l'autre aspect aussi. On les détecte plus. Les gens sont plus conscients, sont plus au courant aussi. Okay. Donc, plus souvent se dire « Ah, c'est peut-être une allergie alimentaire que j'ai. » Alors qu'avant, peut-être qu'on ne pensait pas à ça. OK. Puis, donc, le système immunitaire qui aurait tendance peut-être à être moins occupé qu'avant. Dire l'être humain en tant que Homo sapiens existe depuis des milliers d'années. Ouais. Et depuis des milliers d'années, il a été entraîné à battre des bactéries, des virus, des parasites. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques avant. Non. Et depuis une centaine d'années, à peu près, on a des antibiotiques, on a des vaccins. Et donc, notre système immunitaire se retrouve un peu... Moins solliste. Ouais. Ah. On veut dire qu'il s'ennuie, peut-être. Paresseux, ouais. Peut-être pas paresseux. Non, justement, il a été entraîné pendant des milliers d'années à vouloir se battre. Et là, il n'a plus rien. Donc, peut-être qu'il va être excité par des molécules qui n'ont absolument rien à voir, qui ne sont pas un danger pour l'être humain. Il cherche des ennemis, là. Ouais, il cherche des ennemis, quelque part. Et autre chose aussi, bon, là, je vais sortir un mot très à la mode, le microbiote. Donc, toutes les bactéries qu'on a dans notre corps ou sur notre corps qui ont été modifiées par ce qu'on mange, par nos activités, par les médicaments qu'on prend. Donc peut-être que ce microbiote a changé et aussi nous rend peut-être plus allergiques qu'on l'était avant. Oui, c'est un fait. Et est-ce qu'il y a des populations sur Terre qui sont davantage sensibles aux allergènes que d'autres? On le pense. C'est pas comme les Japonais ou à cause de l'alimentation ou... Alors les Japonais vont être allergiques pas aux mêmes choses que les Canadiens. Ah bon, OK. Oui, oui, parce qu'ils vont être moins allergiques aux noix, ils vont être plus allergiques aux sarrasins. Par exemple, parce qu'il y a beaucoup de sarrasins dans l'alimentation japonaise. Okay. On va penser qu'il y a moins de personnes allergiques dans certains pays aussi parce qu'on ne les diagnostique pas. Donc, par exemple, en développement, où c'est moins une urgence de savoir si on est allergique ou pas. Alors, est-ce que c'est une question génétique à ce moment-là ou c'est une question environnementale? Il y a les deux. Ah bon? Les deux. Il y a définitivement un aspect environnemental et un aspect génétique. Toujours, de toute façon, dans ce genre de problème-là de santé, il y a les deux paramètres en compte. D'accord. Et est-ce qu'il y a un seuil d'allergénicité, une dose à partir de laquelle une molécule est allergique? Pardon? Alors, ça va dépendre des personnes. Ça va ouais. La même personne qui est allergique va peut-être être plus allergique le lundi que le mercredi, parce que le lundi, elle était peut-être plus fatiguée, malade. Uh-huh. Ça va dépendre aussi de l'aliment qu'elle va manger, si la concentration en allergène est plus élevée ou pas. On a des seuils. Je vais vous donner un exemple encore pour les arachides, parce que c'est vraiment l'allergène qui fait le plus peur. Des personnes ultra, ultra sensibles vont être allergiques à 0,2 mg. Alors, je vais juste aider les auditeurs à imaginer qu'est-ce que c'est 0,2 mg. En termes de grains de sel. Donc, ce que j'ai fait au laboratoire, c'est que j'ai pris un pot de peanut, j'ai pris une fourchette et j'ai trempé un pic de fourchette, vraiment très rapidement, dans le pot. Et ça représente 10 mg. Voilà. Donc, c'est 40 fois moins. Donc, ça veut dire ce qui est resté collé sur la fourchette? Oui, ça, c'est à peu près 10 mg. Donc, c'est encore beaucoup moins que ça, qui va faire en sorte que quelqu'un de très sensible va faire une réaction allergique. Donc, c'est à peu près ça, les seuils. OK. Et en fait, j'avais une autre question aussi. Quelle est la nature des allergènes? C'est biologique? Est-ce qu'il peut y avoir... Tout à l'heure, vous parliez de protéines. Alors, évidemment, ça ne peut pas être minéral ou... Exact. Donc, les allergènes sont majoritairement d'origine animale et végétale. Donc, animal, pense au lait, aux œufs, aux poissons. Oui, c'est vrai. Et végétal, le soja, le peanut, par exemple. OK. Donc, on ne peut pas être allergique à l'amiante, par exemple. Non, pas dans ce sens. De toute façon, je vous déconseille de le manger aussi. Oui, c'est un fait. Ou de le respirer aussi. Et est-ce qu'il y a des nouveaux allergènes, c'est-à-dire des molécules auxquelles les gens n'étaient pas allergiques et qu'ils sont maintenant? Alors, il y a des allergènes qui vont peut-être parler. Alors, ça va peut-être insulter certaines personnes de dire qu'ils sont nouveaux parce qu'eux, ils les vivent avec depuis un moment. Ouais. Mais on parle par exemple des fraises. Ouais. Les légumes et les fruits. Alors, les légumes et les fruits, c'est dû à une allergie au pollen. Donc, les personnes qui sont allergiques au pollen, pas toutes, vont avoir une certaine hypersensibilité à ce pollen. Et il y a des protéines dans le pollen qui sont similaires aux fruits et aux légumes. Et donc, ils vont développer cette hypersensibilité à certains fruits, certains légumes. Donc, la pêche, les kiwis, les pommes, les noix. Ça, c'est par exemple ceux qui sont allergiques au bouleau. Mais... Personne allergique au pollen, là, ne vous inquiétez pas, c'est pas tout le monde aussi qui réagit comme ça. Je vais vous en citer d'autres. Allergies aux légumineuses qui sont tendances, donc le lupin, qui est souvent utilisé pour remplacer le blé, en Europe, beaucoup. C'est une sorte de légumineuse, le lupin. Le sarrasin au Japon, on en a parlé tantôt. La nouvelle source de protéines aussi qui arrive, c'est les insectes. On ne sait pas encore si les gens vont être allergiques aux insectes, parce que les insectes ont une protéine qui est très similaire à celle qui est dans les crustacés. Donc peut-être qu'il va y avoir une allergie aux insectes. Peut-être si ou quand les OGM vont devenir plus courants, peut-être que certaines personnes vont être allergiques à des protéines issues d'OGM. Ça, on ne le sait pas encore. Et une allergie récente... Oui. Et l'allergie à la viande. Oui, ça existe. Alors, ça nous vient tout droit des États-Unis. Les personnes qui sont allergiques à la viande se font piquer par une tique. La tique, il y a une réaction avec le système immunitaire qui reconnaît un sucre qui est présent dans tous les mammifères non primates. Donc, nous, on l'a pas. Donc, les personnes qui sont piquées par cette tique et qui font une réaction immunitaire ne vont plus être capables de manger ni bœuf, ni porc. Ah bon? Ouais. Ça manque bœuf et porc, ils peuvent manger du poulet? Ils peuvent manger du poulet parce que c'est juste les mammifères non primates qui ont cette molécule que la tique nous transmet. Incroyable. Ouais. Et les allergènes, on les retrouve dans quels aliments? Bon, vous en avez parlé tout à l'heure, les noix, en fait. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage? Ou... Alors, principalement, on va plutôt se concentrer sur les aliments qui sont transformés. OK. Donc... On va pas se concentrer sur les fruits et les légumes. Okay. On va plutôt regarder les aliments transformés. Donc, tout ce qu'on achète en épicerie, finalement, qui a eu un minimum de transformation ou alors deux ingrédients ensemble, il va falloir faire attention de savoir si c'est pas un allergène. Est-ce qu'ils sont plus susceptibles d'être allergènes? Oui, ils sont plus susceptibles d'avoir des allergènes parce que en transformation alimentaire, on utilise, par exemple, des œufs, ou du lait, c'est des texturants, des émulsifiants, et on va avoir tendance à utiliser ces ingrédients-là pour faire notre produit transformé. Okay. Donc, on va Il faut être assez alerte quand on est allergique aux produits transformés. Peut-être un point qu'on n'a pas abordé aussi, excuse-moi François, c'est la difficulté pour les familles qui font face à ces allergies. Ça doit être tout un casse-tête parfois pour préparer à manger, faire les commissions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, les personnes qui sont allergiques, habituellement aussi, ça englobe toute la famille, parce que toute la famille va suivre le même régime alimentaire. Donc, je vous encourage à aller dans l'épicerie, la prochaine fois que vous faites l'épicerie, de regarder le prix des produits qui sont dits sans gluten. Sans peanuts, habituellement, le prix est plus élevé, donc il y a un coût à être allergique. Il y a un coût aussi par rapport, si vous faites une allergie, par rapport aux soins qu'il va falloir vous apporter. Mais aussi, et ça on n'y pense pas assez, il y a une certaine exclusion des personnes allergiques ou des personnes cœliaques. Par exemple, dans les sorties, quand on va au restaurant, on fait des parties où il y a de la nourriture, où il y a un buffet, ou alors même des choses encore plus grave, c'est quand vous avez votre enfant qui est invité à des goûters, il va falloir prévenir la maman qui fait le goûter que l'enfant est allergique à ça, à ça, à ça. Donc, on a peut-être tendance à pas inviter l'enfant qui est allergique pour pas avoir de problème. Donc, une certaine exclusion de la part des personnes qui sont allergiques. Oui, effectivement, je comprends. Pour les personnes qui sont allergiques. Et comment les consommateurs peuvent s'informer sur la présence d'allergènes dans un aliment? Alors, l'étiquetage. Ça, c'est la clé. Okay. Il faut regarder les étiquetages. Même si c'est écrit sur les étiquetages? C'est écrit, Dieu merci. En fait, c'est écrit du genre... peut contenir des arachides, c'est ça? Contient, peut contenir. C'est ce qui indique au consommateur. Donc, ce produit, si tu l'achètes, fais attention parce que j'ai utilisé cet allergène et cet allergène pour le fabriquer. Donc... l'étiquetage. Ouais. À savoir que... C'est obligatoire. C'est obligatoire. Quand on est allergique, par exemple, à l'œuf, c'est pas toujours écrit juste œuf sur la liste des ingrédients, qu'il faut aussi être alerte. Ouais. L'œuf peut s'appeler albumine, conalbumine, globuline, livetine, lysozyme, n'importe quoi qui commence par ovo, ovalbumine, ovomucoïde, ovotransférine. Parce que ce sont toutes des protéines qu'on retrouve dans les œufs. Okay. Ouais, et qui sont utilisées en industrie. Okay. Mais habituellement, l'industriel, il va utiliser ce produit-là comme un produit pour la texture du produit, par exemple, et va indiquer dans la liste contient œuf. Ouais, il va faire son travail, il ne faut pas s'inquiéter, l'industriel sait quoi faire pour étiqueter ses produits. Aussi, là je voudrais faire une parenthèse sur tout ce qui est restaurant, parce que les personnes allergiques aiment bien avoir une vie sociale comme tout le monde, ils vont au restaurant. Il arrive assez souvent qu'il y ait de graves accidents qui sont liés aux sorties au restaurant. Je vais vous citer deux cas qui ont eu lieu l'année passée et cette année, il n'y a pas très longtemps, en Angleterre, où deux jeunes ont perdu la vie. Ils sont allés, donc le dernier en date est allé pour sa fête au restaurant, puis a commandé un burger au poulet et a demandé au serveur, je suis allergique au lait, est-ce que c'est correct? Et le serveur a dit, il n'y a pas de beurre, le pain n'est pas au lait, donc tout devrait bien aller. Le jeune a mangé son burger puis est mort 2 heures après parce que le poulet était cuit dans le buttermilk, dans le babeurre. Ok. Le babeurre est un produit du lait. Le serveur le savait pas, le cuisinier n'avait pas donné l'information. Donc l'enfant, le jeune est mort le jour de son anniversaire. Donc c'est quand une personne est allergique, elle a le devoir de dire au serveur, je suis allergique à ça, à ça, à ça. Merci de vous informer auprès du cuisinier, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce que je vais être servi. Et par rapport aussi, on va en parler certainement plus tard, des contaminations croisées, parce que quand on travaille sur une paillasse, il y a moyen facilement de se mêler. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport aux consommateurs, c'est le problème quand ils voyagent. Parce qu'au Canada, on a une liste d'allergènes prioritaires, où les Canadiens allergiques qui sont habitués. Mais si vous allez aux États-Unis, la moutarde, par exemple, n'est pas étiquetée comme un allergène. Donc un produit qui contient de la moutarde ne va pas l'indiquer aux États-Unis. Okay. Le sésame, pareil. Okay. Ça ne va pas être indiqué. Donc ça, il faut qu'ils le sachent. Pareil, si vous voyagez dans un pays dont la langue n'est ni l'anglais ni le français, apprenez comment on nomme vos allergènes. Ça peut être aussi une bonne idée avant de partir. Et Ça, en Europe, ils sont beaucoup plus conservateurs qu'au Canada, donc ils ont deux allergènes de plus que nous. Donc là, on risque rien quand on va en Europe. C'est okay. la loi pour tous les pays de la communauté européenne. Ils ont le lupin et le céleri en plus. Et pourquoi on les a pas au Canada? Parce que c'est pas une allergie qui est courante au Canada. Ça va peut-être le devenir si on se met à consommer plus de lupin. Je sais qu'on consomme du céleri, mais malgré tout, les allergies au céleri n'ont pas été un problème pour le moment au Canada, assez pour que l'Agence d'inspection des aliments et Santé Canada s'y intéresse de près. Et par exemple, si vous allez au Japon, les seuls allergènes qui sont, où c'est obligatoire de les étiqueter, c'est les crevettes, le crabe, le blé, le sarrasin, les œufs, le lait et le peanut. Donc si vous êtes allergique aux noix, ne consommez pas d'ingrédients transformés au Japon. C'est possible qu'il y en ait, mais ça ne sera pas indiqué. Donc c'est des choses à prendre en compte quand on voyage et qu'on est allergique. Et surtout, évidemment, prenez en tout temps l'épipène, qui est une dose d'épinéphrine, qui techniquement, quand le corps se met à faire n'importe quoi dans la réaction allergique, va détendre tous les muscles, c'est-à-dire comme un peu comme calme-toi, c'est rien, calme-toi. Donc ça, c'est ce que fait l'épinéphrine. Puis après, il faut aller évidemment aux urgences le plus vite possible. Et les allergies, est-ce que ça apparaît assez jeune ou ça peut se développer même chez un adulte? Plus tard. Oui. C'est vrai? Oui. Ah bon, ok. Ça peut arriver plus tard dans la vie d'un adulte, des changements de vie, des greffes. Et on peut soudainement devenir allergique à... Une femme qui est enceinte, qui tombe enceinte, qui n'était pas allergique avant, elle le devient après. Ok, ça, mais est-ce que ça prend un événement déclencheur comme une... Malgré tout, oui. Il faut quand même qu'il y ait un événement. Alors lequel? Ça vient pas... Ça dépend des personnes, ça dépend de l'allergène, ça dépend de plein de choses. Normalement, il y a les trois sortes d'allergies. Il y a une allergie que vous avez à l'enfance et que vous allez garder toute votre vie. Okay. Par exemple, le peanut, habituellement. Okay. Les allergies que vous avez à l'enfance et que vous allez perdre. Certains. Le lait et les œufs, par exemple. Et les allergies du pollen dont j'avais parlé tout à l'heure. Ok. Et Alina, en fait, sur quoi portent les recherches que vous faites sur les allergènes? Donc, on travaille sur l'étiquetage peut contenir. Donc, je vais juste en parler assez rapidement par rapport à comment l'industrie agroalimentaire prévient les consommateurs. Donc, si vous avez imaginons une usine où on fabrique des biscuits, et il y aurait un biscuit qui a du peanut et un biscuit qui n'a pas de peanut. Alors, l'industriel va se dire, il est probable que le biscuit sans peanut, il y a du peanut qui se retrouve dedans par accident. Okay. Donc, c'est pas un ingrédient. Donc, il ne peut pas dans la liste contenir. C'est vrai. Donc, il va être dans la liste peut contenir. Ouais, possiblement, il y a eu un ouvrier qui a peut-être touché un biscuit avec du peanut et qui a contaminé. Ou avec des ustensiles. Peut-être que c'est rangé au même endroit, ou peut-être tout bêtement qu'ils n'ont qu'une ligne de fabrication, puis qu'ils ont utilisé la même ligne pour faire les deux. Donc, dans le doute. Et qui nettoie peut-être pas toujours bien entre Même avec un nettoyage courant, on n'arrive pas à enlever le peanut parce que ça reste collé. Ah oui, ok. Donc là, on met peu contenir. Donc, c'est vraiment des petites doses que ça prend. Oui, vraiment. Ça prend des... Rappelez-vous la pointe de la fourchette divisée par 40, là, c'est vraiment pas beaucoup. Ça donne une indication, effectivement. Et donc, nous, on travaille sur ce peu contenir. Okay. L'étudiante au PhD, Émilie Mani, et l'étudiant au PhD, Joseph Touma, qui travaillent tous les deux sur l'étiquetage peu contenir, dans le fond, ils regardent si l'ingrédient où il y a marqué peu contenir, l'allergène y est vraiment. Parce qu'on se dit peut-être que l'industriel a des œufs et du peanut qui rentrent dans son usine et qui se dit, oh là là, je veux pas prendre de risque, je vais mettre peu contenir partout. Ah. Comme ça, je vais m'assurer que je ne mets personne en danger. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent de notre étude, c'est que les industriels sont très conservateurs et qu'ils vont prendre beaucoup de précautions, peut-être trop de précautions, ça c'est chacun voit comme il veut, et vont tendance à surprotéger le consommateur et à mettre trop de peu contenir. On développe des tests aussi dans notre laboratoire. On développe des tests, par exemple, pour le gluten. Moi, je travaille sur... Ça, c'est le projet de David Poirier, qui est un étudiant à la maîtrise. On travaille aussi sur les méthodes de détection des allergènes sur les surfaces. Donc, imaginez un allergène sur une surface, il faut aller le récupérer et le tester. Habituellement, on fait ça avec des cotons-tiges. Donc, comment le coton-tige récupère l'allergène et comment on est capable de détecter l'allergène par la suite. On valide des tests aussi, Et on fait ce qu'on appelle du matériel de référence, c'est-à-dire on va fabriquer nous-mêmes, on va faire des biscuits nous-mêmes, et on va mettre une concentration connue, une quantité connue d'allergènes. Comme ça, quand on teste une méthode, on sait que je dois trouver exactement cette quantité, et si je n'ai pas trouvé ça, la méthode n'est pas bonne. Alors, merci infiniment, merci Virginie, beaucoup pour ces explications. C'est vraiment très intéressant. En tout cas, moi, j'en ai appris énormément. Alors, nous étions en compagnie de Virginie Barrère, professionnelle de recherche à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels à l'Université Laval. On va faire une courte pause et on vous revient par la suite pour vous parler de vérité, d'objectivité et bien sûr de science.